a vista. Perto do coração. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Concerne 96.2, votre émission Groupe Tropical, avec vous jusqu'à 20h. Oh là là, ça va mal. dire qu'on a quelques petits problèmes techniques sur le 96.2. Je pense que ça va se rétablir très bientôt. En attendant, ça m'a un peu troublé quand même. Hein. Bienvenue à tous sur votre radio préférée le jeudi soir entre 18h et 20h. Votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. African boy, where are you? I don't need someone so bad I can take on. One night thing is not what I came for, no, no. Now I'ma hit the town. Now I'm moving to the baseline. Waistline, pull me on, yeah. Now clearly you don't waste time. Want my not shy, are you? Something I'm liking the way that you look in my eyes. Like no way I could tell you no, I say yes. I don't know how quickly we'll take this, but whatever happens, I'm in this beginners, they can't see us cause your window's tinted. Now I'm moving to the waistline, pull me on, yeah. Now clearly you don't waste time, want mine, not shy, are you? When you're feeling the way I feel, I can't deny. Got me working overtime. I lose it when you bust the wine. Before I play, then press rewind. I got to move into the waistline. Turn me on, man. We be going to the late night. Put me on, yo. Aujourd'hui je sais tu es un homme parfait. Je m'éloigne, je déclare forfait. Arc-en-ciel 96.2, on recommence tout. C'est réparé. Merci Manu. 96.2, la bonne fréquence. Chaque jeudi, entre 18h et 20h, votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Oh là là, j'ai l'impression que ça va pas être une émission ordinaire ce soir. Surtout que nous recevrons des invités tout à l'heure à partir de 18h30. L'association Nubilance, on devrait passer un très très très bon moment ensemble. Alors, restez bien calés sur le 96.2. On n'a pas très bien commencé, mais on va bien finir, ne vous inquiétez pas. Allez, au menu du jour, des nouveautés, mais aussi du zouk rétro, du zouk compas, du compas goyade, etc., etc. Tout ce qu'on aime sur Arc-en-Ciel. Très très bonne soirée en ma compagnie, c'est Chantal qui vous accompagne. Partagez-vous. basse. Arc-en-ciel, c'est... Martinique, Guyanais, Guadeloupéen, Caraïbéen, c'est mes blagues là, nous sommes sous même verre d'Afrique. Pardonnez-moi, la poubelle, Colombo-Téno, et la guerre passe par là, on travaille pour mourir. Le nom des malades, l'hôpital, pas pour nous. Même dans nous, pas qu'il sommeil, parce que pas qu'il place l'église. Frappez, c'est votre monde comme ça nous est dit. Frappez, c'est votre monde comme ça nous est dit. Frappez, c'est votre monde comme ça nous est dit. Frappez. Et maman. 96.2. La FM en couleur. Ils sont tellement high d'où je viens de ma crazy. Ça remonte des kilos d'Amazonie. Sur une amatouri, t'aimes moi l'homme sa vie. Mon paradis c'est la jungle, African descent. Je sais qu'on est pas, c'est nous les boss. Chez nous ça transit. Mon paradis c'est la jungle. Oh là là. Il dit c'est chez nous c'est la bordel. Parce que je t'éteigne, je t'éteins. Chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill. Laisse-moi dans mon chill, chill, chill, chill, chill, chill. J'suis une personne chill, chill, chill, chill, chill, chill. Laisse-moi dans mon chill, chill, chill, chill, chill, chill. Tu veux me parler, je sais pas quitter. Tu sens que la bouche, je sais pas quitter. Et la misère, j'ai déjà quitté. Trop d'inspi, pas besoin de panique. Ils veulent voir ma musicalité. J'ai pas donné toutes mes qualités. Ma musique n'est plus la même, même, même. Ma musique n'est plus la même, même, même. Chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill. Laisse-moi dans mon chill, chill, chill, chill, chill, chill. J'suis une personne chill, chill, chill, chill, chill, chill. Laisse-moi dans mon chill, chill, chill, chill, chill, chill. Conseil 96.2, ça fait un tabac en ce moment aux Antilles. Chill sur le 96.2. D'ici quelques minutes, eh bien, ils sont déjà arrivés. Hein. Nous recevrons donc les membres de l'association New Events. En attendant, on va faire une petite pause musicale avec une petite nouveauté. C'est Nestlé et Michael avec ce titre à jamais. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Je la voyais comme ma copilote, mon allié. Tout en remise en question, je lui ai donné mon cœur. Si seulement je pouvais revenir en arrière, je pourrais éviter de commettre cette erreur. C'est toujours ceux qui sont les plus proches de toi qui te font le plus mal. Car lorsque l'on prise la confiance, l'impact affecte ton âme. On s'était dit à jamais on s'aimerait pour toute la vie. Mais les mots se sont avec mon amour aussi. On s'était dit à jamais on s'aimerait pour toute la vie. Mais les mots se sont fanés. 96.2, comme promis, eh bien, ils sont là avec nous, ces dames de l'association New Dance. Bonjour mesdames. Bonjour, tout le monde. Oh, les jolies voix. Elles ne savent pas que danser, hein, figurez-vous. Elles doivent savoir chanter aussi. Bon, alors, je sais que moi, je les connais bien, donc je vais vous les présenter. Donc, on a Nelly. Ah, oui, c'est bonsoir, ça. Donc, bonsoir à tous. Alors, t'es chorégraphe, c'est ça? C'est ça, c'est ça, dans l'association Newbie Dance. Et voilà, j'interviens sur les cours de dancehall tous les mardis. Tous les mardis de 18h30 à 20h. D'accord. Et puis alors, Mariam? Oui, bah, Mariam, pareil, danseuse, prof de danse. Je suis la responsable de l'association aussi. Et je donne des cours d'afro house et 100% choré avec Nelly et Malvina. Eh ben, c'est super ça. Alors, depuis quand existe cette association? Waouh! Alors, ouais, depuis 2007. Ouais, 2007, mais dis donc, on va bientôt fêter les 20 ans. Oui, non, ça passe, le temps passe. Oh, mon Dieu. Et c'est toi qui l'as créé, je crois, Mariam, non? Oui, c'est ça, moi, avec mon groupe de l'époque qui s'appelait New Belech. Et d'accord, donc, on a créé l'association. Voilà. D'accord. Et il y a combien d'adhérents au jour d'aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, on est une trentaine d'adhérents. Mm-hmm. Bon, voilà, une trentaine d'adhérents. Alors, on donne 3 cours de danse. Afro House, Dance Soul et 100% Choré. Et après, tout le long de l'année, on organise des stages de danse avec des intervenants extérieurs qui viennent de partout, internationalement. Et on organise également des événements de danse aussi. D'accord. Bah, on va parler des événements tout à l'heure. On va les garder un petit peu au chaud. Hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Ah oui. Bien. Tu peux nous parler un petit peu? Alors, on a fait une sélection. Enfin, comment elle s'appelle? Nelly m'a envoyé des musiques. Tu peux nous parler un petit peu de tes choix? Parce que j'ai été... justement, tu l'arques. T'as l'habitude de danser sur ce morceau-là? Ah oui, oui, oui, oui. Là, on est totalement dans le thème. Mm-hmm. Donc, vraiment, là, on ne peut pas être plus dans le thème. Donc, parfait, parfait. D'accord, mais je sais que tu as une préférence pour un chanteur. Là, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, parce qu'il me semble qu'on en a, parlé. Oh, j'en aime beaucoup. Oui, vraiment, moi, la je musique, sais, mais celui-là, alors là, vraiment... je crois qu'on doit avoir les mêmes goûts. Ah, c'est vrai? Ah, dis-moi tout. Oui. Ouh là là là, tu me prends par les sentiments, là. On se retrouve dans quelques minutes. Et si je te demande de ne jamais te mélanger aux femmes, c'est parce que tu n'es pas comme elles. Non, non, toi tu es ma femme. Oh mon amour, moi je te voulais toi, je suis allé te chercher. J'ai fait le tour, mais maintenant que t'es là, je ne veux plus jamais changer. Oh ma lady, lady, lady. Je sais pas comment tu fais, moi-même je suis dépassé. Mon cœur était HS et tu l'as remplacé. Toi tu fais pas comme les autres, s'il te plaît les écoute pas. J'aime ton côté impoli. Ouais, j'aime ton côté insoumise. Sans parler de ce que tu me fais voir en lit. Oh ma lady, lady, toi et moi ça donne fire. Fire, fire, fire. Alors Nelly, nous on se connaît pas depuis 2007. Ça fait déjà très très longtemps. Oui, c'est vrai. Ouais, je vais pas dire non mais au moins 10 ans je crois, non? Oui, attends, oui, oui. Ouais, oui, ouais, oui, oui, plus que fait. Ça. Tout à attends, fait. attends, plus que ça. Plus même que un ça. Petit peu plus. Oui. Ouais, moi je dirais 15. À peu près, ouais. Je pense que t'es connue toute jeune alors du coup. C'est à peu près. Et puis tu m'as connue toute jeune aussi. Donc comme ça c'est parfait. Dis-moi comment t'as commencé justement toi dans la danse comme ah, ça. Ah, moi j'ai commencé dans la danse. Alors avant d'être à Orléans, j'étais dans le sud, donc de la France. Voilà, Perpignan. C'est tout tes secrets. C'est ça, hein, t'es bien informé, hein, les informateurs ont bien fait leur boulot. Non, non, mais c'est toi qui m'avais du mal dire, je crois. Oui, ouais, oui, ouais. Oui. Non, mais voilà, j'étais dans le sud, donc j'ai commencé la danse par le hip-hop. Enfin, je prenais des cours de différentes danses, du locking, du popping. Parce qu'à l'époque, on faisait un petit peu de tout. En fait, quand on commençait à danser, les profs qui nous enseignaient nous donnaient vraiment, enfin, dans le niveau en hip-hop en tout cas, on faisait un petit peu toutes les disciplines. Donc je faisais de la dance, enfin je faisais du pop, du locking, pas du break par contre. Mm-hmm. Ça je le laisse un petit peu aux autres, mais voilà, on faisait un petit peu, on touchait un petit peu à tout. D'accord, ok. Ouais. Et après, donc, comment t'es venu sur Orléans alors du coup? Parce que quand même, dans le sud, revenir dans le nord, ça fait oui. un peu, ça doit dû changer le température. Oui, ça oui. change, mais vraiment, ça a été super. L'accueil a été très très bien, avec d'ailleurs Mariam qui m'a accueilli les bras ouverts pour donner les cours dans l'association. Alors comment s'est fait la rencontre? Parce que finalement... Comment ça s'est fait? Arrivant sur Orléans, j'ai voulu continuer à danser parce que... j'ai toujours aimé ça et dans le sud je le faisais déjà, donc je me suis dit bon, où est-ce qu'il y a des associations de danse, où est-ce que je pourrais trouver quelque chose où je puisse continuer à donner des cours et à en prendre peut-être même moi aussi. Et puis c'est ainsi que je suis allée frapper un petit peu à toutes les portes des assos sur Orléans. Mm-hmm. Et que s'est fait la rencontre après avec Mariam, donc qui m'a laissé ma chance. D'accord, voilà. Ok. Et où est-ce que tu vas chercher tout t'as été chorégraphie, comment te vient justement l'idée d'une chorégraphie? Alors déjà la musique, parce que déjà j'ai toujours été très très sensible à la musique, c'est avant même la danse, ça a toujours été une passion. Mm-hmm. Donc la musique vraiment très très sensible à ça et à différents styles, hein, que ce soit de la dancehall, du hip-hop, de la soul, vraiment voilà, j'aime beaucoup la musique en général. Et comment me vient l'inspiration, des fois ça va être, enfin même souvent, plutôt la nuit, le soir. D'accord. Quand je mets mes écouteurs, etc., et que je suis inspirée par le son, je sais pas, les mouvements viennent spontanément par rapport à ce que j'entends, ben, j'essaie de le traduire par un mouvement, ou alors j'ai, comment dire, une énergie, quelque chose qui me vient en tête, qui me dit, ah, là, tel son, voilà, je vois telle ou telle dynamique de mouvement. Mm-hmm. Donc, bah, j'espère que tu dors toute seule, hein, parce que ça doit être rigolo. Oui, souvent c'est. Bien, je crois que vous participez dimanche au grand rassemblement 1 km de danse, c'est ça, Mariam? Oui, c'est ça, on y participe. Le centre chorégraphique nous a contactés il y a quelques semaines. Et donc, bon, on a été intéressés, on s'est dit pourquoi pas. En plus, c'est une semaine avant notre spectacle de danse. Ouais. Donc, ça fera, on va dire, une répétition d'entraînement pour les élèves. Donc, oui, on va y participer dimanche à Place du Mar 3 à 16h30. Ben, c'est une très très bonne idée, moi je dis. C'est vrai que là, franchement, c'est une première d'ailleurs, je crois. Oui, c'est la première édition qu'ils font. D'accord, ok. Bon, on se retrouve tout de suite après. Une petite pause de musique. Toujours la playlist de Nelly. Et c'est. Est-ce que je vois pas dit ça. Non, c'est même pas à toi ça. C'est pas à toi ça, moi. Si, c'est à toi. Ah oui, d'accord, c'est pas grave. De ne jamais te mélanger aux femmes. C'est parce que tu n'es pas comme elles. Non, non, toi tu es ma femme. Oh mon amour, moi je te voulais toi. Je suis allé te chercher. J'ai fait le tour, mais maintenant que t'es là, je ne veux plus jamais changer. Oh ma lady, lady, lady, lady. Toi et moi ça donne fire. Fire, fire, fire. Chérie, ne doute pas, non, non, toi t'es déclassé. Je sais pas comment tu fais, moi-même je suis dépassé. Mon cœur était HS et tu l'as remplacé. Toi tu fais pas comme les autres, s'il te plaît, les écoute pas. J'aime ton côté impoli. Ouais, j'aime ton côté insoumise. Sans parler de ce que tu me fais voir en lit. Oh ma lady, lady, lady. Toi et moi ça donne fire. Fire, fire, fire. Quand il y a 96 fois de votre émission Groupe Tropical avec nous dans les studios, l'association Nouvelle Dance. Dis-moi, Mariam, tu me parlais tout à l'heure des professeurs. Il y en a quatre, hein, c'est ça? Là, on est trois professeurs. Ah, trois professeurs. Ouais. Vous avez tous une spécialité dans la danse ou pas? Différente? Oui, en fait, Joanne Lely, elle m'a dit tout à l'heure. Moi, la dancehall pour la moi. La dancehall, oui. Oui, bon, après, comme je disais Nelly tout à l'heure, moi, de base, je suis danseuse hip-hop aussi. Donc, j'ai commencé pareil avec tous les styles de danse, hein, locking, popping, new style. Après, je me suis plus spécialisée en house dance, l'afro house qui est venue bien après. Mm-hmm. Nelly, oui, c'est la dancehall. Il y a Malvina qui a commencé aussi avec le hip-hop. On a toutes commencé avec le hip-hop, en fait. Hein. Mm-hmm. Et après, également l'afro et la dancehall, il faut aussi Malvina. D'accord, ok. Bien, alors, d'ici quelques jours, un grand événement annuel, oui. Traditionnel, on va dire même. Donc, le gala de l'association. C'est ça. Donc, c'est le 8 juin. Oui, dimanche 8 juin à 15h. Et à quel endroit? C'est à la Maison des Arts et de la Musique, qui se trouve à Saint-Marceau. D'accord, ok. Alors, des invités, parce que je crois qu'il y en a beaucoup, il me semble. Oui, comme chaque année, en fait, effectivement, c'est le gala de fin d'année avec les élèves. Puis c'est vrai qu'on aime bien inviter des groupes qui viennent d'autres villes, comme en région parisienne, de Tours. Et cette année, on aura la compagnie Almadance qui vient d'Orléans, qui a été créée par Alexia, qui est une danseuse, on va dire, contemporaine. C'est ça. C'est ça, hein. Contemporaine, moderne jazz. Voilà, moderne jazz. Il y a également un groupe de Tours qui s'appelle Cypher Spirit, qui sont plus spécialisés dans le freestyle hip-hop et house. Mm-hmm. Et il y a également un duo qui vient souvent chaque année, Endo et Camille, qui viennent d'Orléans, qui D'accord. sont des très très très bons danseurs. Excellents danseurs. Très excellents danseurs. Ils font du locking, du walking, et c'est vraiment vraiment top. Et on a invité aussi un groupe professionnel qui nous vient de Paris, YAPS, qui intervient souvent dans l'association, qui vient souvent dans nos événements. Dans les stages, voilà, et avec son concept, voilà, son ambiance facile. Ambiance facile, et donc là, ça sera vraiment de l'afro pur, danse africaine pure, et ça va vraiment, vraiment être top. Ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Oh oui, venez nombreux, on vous attend. Doumer, loqueto, loqueto, loqueto, yamar ya tumba, loqueto. Loqueto, loqueto, ya mama. Loqueto, loqueto, loqueto, ya mama na bango. Frepe moni, jala makambo luki. Toke siko yo, na panzi, ningisa loqueto. Loqueto, ya bangala, ya baluba, ningisa loqueto. Cedrique de Tokyo, number one. Allo, allo, en beauté, hein? Yao, bon. Na lobby, bayaka ba fana, bakoma ba concurrent. Niko loko wela mansanga usimbi courant. Yoga, ebene nebene, ona biso awa to forsa kate. Mukaji biscuit, chulo bonbon. Boss D, David Mangaya. Nathalie Bumba, ya Denis Christé. Balula, balula, na liaya. Dindi, Osuki na tatami, wala wala wala wala wala. Kula mani maboko ni kola. Kumbala maboko ni kola. Jene didere maboko ni kola. Hina. Nagai. Kumbala maboko ni kola. Chiki chiki chiki chiki chiki. Wamungara tomuluba. Wamuluba tomukongo. Wani wazo balula. Mapapapa kilemi. Sur un conseil 96.2 avec nous, l'association Nouvillens. Tu parlais tout à l'heure de nous retrouver donc dimanche 8 juin. Si quelqu'un est intéressé de venir retrouver l'association, il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone, il y a quelque chose. Alors on a mis en place une billetterie en ligne, donc on peut prendre les places directement via la billetterie en ligne, billet web. Vous pouvez retrouver sur notre Instagram, nos réseaux sociaux. Voilà, Nouvillens. Les places elles sont à 7 euros pour les adultes, pour les moins de 12 ans c'est 5 euros. C'est gratuit pour les moins de 3 ans. D'accord. Et pour les cours, alors à partir de septembre? Oui, normalement, à partir de septembre, les cours, ça reprend. Bon, on va se reposer entre temps. Voilà, la petite pause estivale. Bon, bah, c'est parfait. Bien, en attendant, donc, on vous retrouve dimanche après-midi à 16h30 si vous voulez découvrir l'association Nubilance, donc, à l'occasion du 1 km danse, je suis sûre. Place du Martre 3. Et il n'y a pas que Place du Martre 3, c'est aussi étalé jusqu'à je ne sais trop où. Il y a le Campo Santo aussi. Il y a dans un autre, il y a une autre scène, je ne me rappelle plus où. Mais c'est un peu dans toute la ville. D'accord, ok. Ville. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette visite. Merci pour l'invitation. Ben non, au contraire, c'était avec beaucoup de plaisir que je vous ai reçu. Et puis bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme ça. Puis ben moi, je vous dis ben peut-être un dimanche, même sûr. Ah, d'accord. Parce qu'il y en a une, qui m'a tiré. Exactement. Donc, faut pas que je rate ça. Et puis ben pour le gala aussi, on va essayer de faire tout ce qu'il faut. Bien, je vous souhaite à tous, toute l'équipe, eh bien de très bonnes choses, de bonnes continuations. Et puis merci, je vous dis à bientôt. Merci. This, you know, SHA-T-T-A, coming on your life, do it like a cup of tea, hey, clap, clap, clap, back it up, take no delay, one night with us, make sure you got your free day, yeah. Les effets. ça va vite, ça va vite. Girl, I promise I'll replace it. Touch me with a pretty make ice cream, my God. Bend over, baby, sing your Chinese songs. This thing just sweet me past the sugar and honey. That's why there's no ending of you and I story. Babacita, give me the visa. Chica bonita, anything you talk, I say yes, sir. Where I want to live, be your inside. And if you agree, I go there, there my whole life. Come see, come sir, I know be fun star. But I could show you how to formulate your own style. Excuse you, come brah, I hope you understand. My melody, lo lo la la. Sur Groupe Tropical, c'est permis. Groupe Tropical à 18h-20h, la meilleure de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était Mérida.

J'ai pas de temps à perdre pour toi, crois-moi. Pourquoi ça tombe sur moi? Je t'apprécie bien, mon gars. Mais voilà qui me cherche, me trouvera. Je suis entouré de parano. Je pensais pas que t'étais parano. Je suis entouré de parano. Parano, parano. Je suis entouré de parano. Je pensais pas que t'étais parano. Je suis entouré de parano. Parano, parano. Tu te prends pour un boss, mais t'as l'allure d'un gosse. Il est vraiment rien, t'as rien dans la tête. Tu me fais des menaces, parce que tu penses que je passe mon temps à tes pieds. Il faudrait que t'arrêtes. La terre ne tourne pas autour de toi, tu vois. Tu te crois important, je ferais mieux t'ignorer. Tu ne sais pas à quel point je m'en fous de ce que tu penses. Mets ça en tête, un lien ou s'en foutait. Je suis entouré de parano. Je pensais pas que t'étais parano. Je suis entouré de parano. Parano, parano. Je suis entouré de parano. Je pensais pas que t'étais parano. Je suis entouré de parano. Parano, parano. T'es trop parano. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical. Oh là là, j'étais chercher ça, mais alors vraiment très très loin. C'était votre séquence Compa Rétro sur le 96.2, le Dixie Band, avec toute la bande justement de du Combusy. Excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, je suis pas, il y a encore un brin de folie. Là, les studios sur le 96.2, on va continuer comme ça, mais avec quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récent. Tout de suite, hein, c'est un qui décide, monsieur King Grant. Compa Guyane. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Et c'est votre émission Groupe Tropical.

Baby, juste un regard, je peux lire toutes tes envies. Ce soir, on va rentrer tard, j'ai besoin de me sentir en vie. Et t'inquiète pas, le bug est solide. Follow me dans ma folie. Ma bad girl, mon acolyte. Follow me dans ma folie. Entre nous, pas de sentiments. Doucement. Sentiments. Doucement. Dis-le. Descends, diva. Moi, v'lais le bon savoir. Baby, descends, diva. Arc-en-ciel 96.2 de votre émission Groupe Tropical, c'est une nouveauté, ça n'a même pas une semaine. Hein. Sandro Marcevic, oui. Je vais vous faire une confidence, j'écoute ce titre en couple. Oh là là, je trouve moi là, soir, ça va mal. Ça va mal, très très mal. Bon, on se calme, Chantal. On a reçu le jeune homme dans les studios il y a une quinzaine de jours, NLV, avec sa sœur Lilo, deux artistes exceptionnels. Je vous propose d'écouter leur tout dernier single. Love Location. NLV. Même sois trop gentil ou mon caleçon. Je veux une wifi, pas une fille. Mais il faudrait que je reste mature car parfois tu critiques et je fais tant d'efforts. Pourtant, c'est naturel quand je veillais sur toi. Prenais soin de toi même si je brûlais tout le temps. Oh, parfois, oh, par toi. Tu critiques et je fais tant d'efforts. Pourtant, c'est naturel quand je veillais sur toi. Prenais soin de toi même si je brûlais tout le temps. Oh, parfois, oh, par toi. Et même si parfois on perd du temps. J'en voudrais si t'en deviens distrait. J'aime nos confrontations calmées. J'aime nos confrontations calmées, Jordan. Je boudais ça, c'était tout le temps. Car tu m'avais piqué, j'apprends que c'est dur d'être aimé. De prendre son mot dans les mondes entiers. Quand ça vient jusqu'au coup, je vise la mairie, mais des projets, il y en a beaucoup. Elle vise la mairie, donc mon oncle va step up du coup. Donc mon oncle va step up du coup. Donc on se dispute calmement, même si je sais que c'est chiant. C'était pour avancer pour très longtemps, baby, baby. Pour toi, pas, moi je prendrai le temps. Tu sais jamais, jamais, non, non, je sais le temps. Donc si ça doit arriver, reste bien concentré. Ouverte à la discussion. C'est tout beau, c'est NL. Love Location. Ça s'est même sorti aujourd'hui, je crois, que vous pourrez trouver sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dirai pas les noms, mais je pense que vous avez compris. Sur le 96.2, allez, la musique continue avec du très très bon son comme ça. Écoutez ça. Yeah. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Stéphanie, baby, je te kiffe, donne-moi ton tel. Bébé, t'es fraîche, donne-moi ton tel. Baby, tu me kiffes, mais t'auras pas mon tel. T'es bien mignon, mais t'auras pas mon tel. Tu me dis que je suis belle et bonne juste pour me chérir. Tu veux me promettre la lune, on a déjà essayé. Tu le fais à toutes les meufs, je t'ai vu hier en soirée. T'as sorti la face à ma beauté et t'as dégagé. Je sais que ton love n'est pas die, die. Dis-moi, mais ni constant pour malade, j'ai envie de te manger. Pourquoi tu fais du style, style? Je sais que tu me kiffes, mais chérie, tu aimes trop. Je te dis que mon cœur est en danger. Quand y a un danger, dis-moi pourquoi tu veux me faire parler. Si je te dis que mon cœur est en danger, ouais, en danger, je veux te croire, mais faut pas déconner. Si je te dis que mon cœur est en danger, quand y a un danger, dis-moi pourquoi tu veux me faire parler. Si je te dis que mon cœur est en danger, ouais, en danger, tu veux me faire, mais faut pas déconner. Des gars comme toi, moi j'en veux pas. Que tes promesses, que des blablabla. Ton double pam pam pam pam. Tu veux la famille, mais j'ai mon gang gang gang gang gang. C'est pas du fait ma vie, ouais, comme un Teflon. Si je te dis que mon cœur est en danger, pour rien manger, dis-moi pourquoi tu veux me faire parler. Si je te dis que mon cœur est en danger, ouais, en danger, je veux te croire, mais faut pas déconner. Si je te dis que mon cœur est en danger, pour rien manger, dis-moi pourquoi tu veux me faire parler. Si je te dis que mon cœur est en danger, ouais, en danger, tu veux la faire, mais faut pas déconner. Moins faible, ni que moins sans espoir. parce que t'aimer est plus fort que moi. C'est tout un yamti. Et vous pas jeune d'amour des fois. Si vous êtes arrivé, c'est parce que mon bagage est extra. Arc-en-ciel, votre émission Groupe Tropical, le meilleur du zouk et du compas jusqu'à 20h. Facile. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec les deux Christian, Christian Yeye et Christian Lara, pour ce femme, sur ce titre, Femme c'est la vie, je n'arrête pas de papouiller. Je sais pas, il va me manquer quelque chose dans ma vie. Bien, on va continuer comme ça, avec un petit peu de compas, parce qu'on l'aime bien. Il y a des fanatiques sur le 96.2 tout de suite, c'est le groupe Casino, et c'est à contre-temps. 18h20, votre émission Groupe Tropical. Casino. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Album, hein. Tous les titres sont excellents, très très bon album de Zinguin qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an. C'est pour fêter les 69 ans du compas pour tous les fanatiques. Eh bien, il est presque 20h, il est bientôt l'heure de se quitter. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil, à 18h ou 20h, sur la bonne fréquence, le 96.2, ou sur internet, radio-arc-en-ciel.com. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Je vous laisse en compagnie. accompagné de Jimmy Levarieux avec son tout dernier titre, Pas douter. Big bisous à tous et à la semaine prochaine. Bye bye. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.